Mais elle ne peut pas dire. Mais elle ne peut pas dire. Et la dernière fois, c'était toujours la même chose. Toujours la même chose. C'est pas pareil qu'avant. Ça sent. Je sens rien. Ça sent le feu. Le feu folie. Le feu mou du gland. Et donc on va tuer ces turpitudes avec de l'instance. L'instance irréactionnelle. Car il n'en a jamais eu. Il n'en aura jamais. Des boucles. Non. Je sais pas trop quoi en fait. C'est juste pour combler un peu le truc. Ça rembobine. En fait, c'est pas non, hein. C'est, je sais pas en fait. Les boucles, c'est bien parce que le temps que tu dises quelque chose qui s'est déjà sorti, c'est déjà trop tard, c'est plus dans ta tête, mais grâce aux boucles, ça revient, alors tu sais ce que tu voulais dire. Et... c'est comme ça. Ça continue de tourner encore jusqu'à ce que tu trouves autre chose, jusqu'à ce que tu trouves exactement l'endroit. Ouais. Mais juste quand tu crois que tu vas arriver au même endroit que ce que tu avais dit un peu plus tôt, ça, la révolution. Moment de la boucle, c'est déjà trop ça tard et ça continue à avancer, alors tu peux pas reculer. La révolution, ça tourne en rond. Tout. Merde. Toute la merde. C'est ça la dernière fois que je voulais dire. Toute la merde, c'est de la merde. On n'a rien compris. Ça n'a rien changé. Pourquoi tu veux pas? Parce que je m'encule. C'est ça, hein. Eh ben tu sauras jamais ce que ça fait que de ne pas le savoir. Que de ne savoir pas être. Un, deux, trois, tu parles. Et quand je dis un, deux, trois, tu parles, tu dois parler jusqu'à ce que je dise un, deux, trois, tu parles plus. 1, 2, 3. Tu parles. T'as perdu. Blablabla, blablabla, blablabla, blablabla. C'est infernal votre jeu. Tu parles plus, 1, 2, 3. Pas comme si c'était incernable cette ambiance quoi qui change tout le temps. Ah, au fait, spécial dédicace à tous ceux qui vont au Shanghai en boîte quelque part dans un hangar avec de la musique pour baiser. On en a rien à foutre. Il est jaloux. Vous êtes seul. Seul dans vos tombes. Alors tombez bien, bien bas. Qui est-ce qui est tombé? Ils sont pas encore tombés, ils tomberont bien bientôt. Ils tomberont bien ou mal? Bientôt. Bien ou mal? Mal. Bien? Non, mal. Mal. Ou tard. Mal tôt. Ils ont mal au dos, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui est tombé? Mais qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont mal au fion, je crois. Parce que c'est des cons. Ils ont mal au fion parce que c'est des cons. Tu le comprends, ça? Il est jaloux. Et la bobine continue de rembobiner. Seul, parler d'un mec seul. Seul. Il parlait d'un mec seul. Mais qui avait envie de danser. Il parlait d'un mec seul, mais qui avait envie de chanter. Envie de chanter. Chanter. Il était seul avec des envies de mec qui a envie. envie de danser, de chanter. Danser. Chanter. Est-ce que vous êtes déjà demandé Vous êtes déjà demandé D'où venait la cendre qu'on trouve dans les paquets de cigarettes, de nances, de croquettes pour les animaux, pour la nourriture. Ceux qui sont pas encore morts. De la nourriture pour les animaux. Ceux qu'on mange pas, quoi. Dedans. Les animaux qu'on mange pas encore parce qu'ils sont pas encore morts. Et pourquoi ça vient de quelque chose comme un animal, la cendre morte? Moi, je pense non, c'est pas que ça vient de quelque chose comme un animal, c'est de la dans la nourriture pour les animaux, pour les chiens. Il y a de la cendre. Il y a de la cendre. On s'en fout, on n'est pas des animaux, nous. Il y a une quantité différente de cendre selon ta question, la marque pourquoi, que tu achètes et d'où elle vient. Pourquoi cette cendre? Pourquoi et de qui elle est produite? Moi, je pense que il faut ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe dans la rue. Il manque des gens, l'été arrive, il fait chaud, il y a de moins en moins de monde. Ouais. Et il y a de plus en plus de cendres dans les croquettes pour chiens. Ouais. Moi, et je c'est pense des vieux. Qu'il faut pas se laisser avoir. Faut pas se laisser abattre. Faut ouvrir les yeux. D'abord, ils vont nous donner des chiens et ensuite ils vont nous donner des rats, des cadavres à manger. Ça se voit dans les entrailles des porcs. Les porcs. Parce que moi, je vais pas me faire avoir. Non, je vais pas me faire déblatérer la face avec des conneries, tu sais. Je suis pas comme ça, rabatte toi-même. On n'est pas ici pour se faire ravaler le portrait. Non, on n'est pas ici pour ça. Toi, de toute façon, tu es jamais ici pour la chose pour laquelle tu es actuellement. Ouais, c'est vrai, je suis jamais quelque chose. C'est pas fait, enfin. C'est vrai. Ouais, c'est l'enfer. J'ai chaud. Et ça finit pas, on va crever. Bientôt dans 50 ans, il fera 30 degrés de plus, on sera encore vivant peut-être. Bientôt, on sera mort. Moi, je pense pas que toi, dans 50 ans, tu seras encore vivant. Ouais, ni moi, non. C'est bon, on est surréaliste, ça va. Pragmatique. C'est bon. On pourrait faire une conversation privée sans eux. Éloignez-vous des micros. 30 cm minimum. Il faut pas qu'on entende. Sinon là, c'est tué. C'est surveillé. Si tu rentres, t'entends plus. C'est surveillé, éloigné. Non mais c'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux. Mais on voit que des lumières rouges. Fermez les micros par contre. On voit que des lumières rouges. Je suis attiré comme un moustique, vous comprenez? Comme un moustique. Eh oh, vous nous avez oublié de nous éteindre. Eh oh, oh ça va, hein? Vous nous avez oublié de nous éteindre. Vous voulez vraiment être éteint? On peut rester allumé. Conversation privée. D'accord. Ok, là vous êtes éteint, là. Vous inquiétez pas, vous êtes éteint. Oui. Faites pas confiance en le nouveau casque, tout ira bien. Ah, ça va. Thank you. cacahuètes. Cacahuètes, c'est bon. Cacahuètes, c'est bon du fion. Cacahuètes, c'est bon. J'aime les cacahuètes. Les cacachouettes. J'appelle ça les cacachouettes, mes cacahuètes à moi. Elles sont bonnes. C'est des bonnes cacahuètes. Elles sont bonnes à mâcher. À écrabouiller avec les dents. Et y a même pas de jus qui sort parce qu'elles sont grotties comme il faut. Elles sont géniales, mes cacachouettes. En plus, on chie après avec. Et on chie mou. Et c'est clair. Clair comme de l'eau de roche. Tout va bien. Tout va très très bien. C'est à ce moment-là précis. Précis que tout s'éclipse. Et c'est fini. La merde. C'est vrai, pas là, ce que je dis, d'être là si tellement c'est vrai. Je me chie dessus et je m'assois dessus, sur sa lame, sur ses aristos, et mon crime est de tout se faire foutre. Ouais. Je devrais voir la chose comme un chou. Je le devrais. Parti, par le chien. Ainsi de la chose à la fin, j'ai le char de deux millions. Je vois le plus grand de loin et de merde puant. Je comprends l'éternité sans en être complètement parti de là-bas et de loin vers la famille. Elle est morte, la famille, recordée sur Neumann Fritz à loin, de près et de part, de dos, de loin, car enfin la merde couverte de couvert. Le muscle sapital, enfin, lui, autoritaire et prêt à lécher du cul. Et ainsi passe le temps en jeu et en passé et en présent. I see this shit like a bird flying, the shit that's on its wings, and I pain in my head. I should be happy. It is sound that surrounds this on the way down. Quoi, donc faut pas exagérer, il est pas 22h encore, les enfants sont encore levés. Hein. Ne demande surtout pas, c'est comme. Parce que moi je me rends bien compte quand même que ça va pas exactement comme avant la maison ici. Faut pas croire que c'est pas parce que t'as les yeux dans le dos que tu vois pas devant toi que tout s'écroule totalement que... et que, l'autre là-bas il va finir par. C'est pas parce que t'es pas parano qu'on t'en veut pas en fait. Même te demander et c'est pas parce que. Hein. C'est pas parce que t'es parano qu'on t'en veut pas. Hein. Je crois être parano en fait, mais on est pas, t'es pas parano mec en fait. Je t'aime pas du tout. Ah je oui, déteste. Exactement. Je te crache à la gueule, fils de pute. On crache à la gueule. Enculé. On t'encule, mais. Ouais, on t'encule à sec grave avec une bouteille et on a pété la bouteille avant. Et tu sais quoi, on a foutu le mauvais bout d'abord. On est con. Ah, ça fait mal, ça. Ça fait mal, hein, ça grince. Ça grince des dents. Et ça te pète les dents. Ouais, suce ma teub, enculé, tu sais. Quoi, Fion, t'as un problème? Suce ma teub, fils de merde. Ta maman, c'est une merde, elle sait même pas te faire interner quoi. T'sais, elle sait même pas t'interner ta mère, mais t'es qu'une merde, mon pauvre, t'sais. Elle est trop con. Et ton père, il est mais bateau comme un vieux porc. Comme un vieux bateau. Un vieux porc. Un vieux bateau marseillais, comme un vieux. Ton père est bateau comme un vieux porc, franchement, t'sais. Et il en a rien à foutre de toi. La preuve, il te fait même pas interner. Suce ma teub, enculé. Tu t'es reconnu, hein. Voilà, tu t'es reconnu, bâtard. Ça fait du bien. Tu sais à qui tu parles. Sache-le, ça fait du bien. Sache-le, c'est un petit peu plus facile derrière un micro que devant ta gueule, mais ça fait du bien quand même. Ça fait mieux. Suce mon fion, enculé. Et c'est pas comme si on était déjà nés. C'est pas comme si on savait déjà qu'on allait mourir, par exemple, et qu'on était torturé par l'idée de mourir avant d'avoir su éclore à sa naissance. C'est pas comme si on n'était pas capable, par exemple. Pas capable de tout ce dont tu n'es pas capable. C'est pas comme si on était incapable. C'est pas comme si on avait pas vraiment les pieds dans un monde entouré de gens, d'êtres humains qui... T'as les boules ? Qui peuvent respirer et avoir des sentiments et surtout communiquer avec l'extérieur. Non, j'ai dit les boules, pas des boules, enculé. Ferme ta gueule. T'as les boules ? Non, parce que vraiment... Entre le pouce et l'index, c'est très serré, voyez-vous. Ça va pas du tout. Moi, un intéressant être de matière vivant, pas une radio. Non, parce que vraiment, tu savais déjà ce qui se passait à l'avant, mais maintenant tu sais ce qui se passe à l'arrière, ça te fait rien. Tu dois être déçu quand même. Non, parce que vraiment, on en a des choses en plus, hein. Moi j'en ai des choses à te dire, hein, mais... Ah ouais, non, mais si tu savais tout ce qu'on avait à te dire, mon pauvre petit bout. Petit bout, je t'appelais. Parce que t'as une petite bite. Là, c'est pour ça que je vais t'appeler petit bout. Parce que t'as une petite bite, quoi. Il faut pas le dire, ça. Non, il faut le dire haut et fort. Coupons-les haut et court, les bites. Alors, les bites, on les prend, on les coupe. Officiellement, à la radio, je veux dire que c'est pas parce qu'on a une petite bite qu'on ne peut pas. pas être épanouie dans la vie. Tu coupes, je te coupe. Alors c'est une des excuses, la petite bite. Tu coupes, je te coupe. Mais dis-moi, est-ce que t'as quelque chose à couper d'abord? Est-ce que t'as quelque chose à couper d'abord? Mais la question n'est pas là. Ainsi va la vie, qu'à la fin elle se brise en mille morceaux de nuit, des chardes dans les yeux qui pleurent le bleu de tes larmes, incendiaires, car insensé incontinence, tu n'as pas le pouvoir de te retenir, tu te chies et tu te pisses dessus, à la fin de ta vie, alors que toi-même tu as été un exemple pour tous tes pairs. Non, parce que quand même... Quelle honte blasphématoire, blasphématoire et incantatoire action. Le vieillissement, c'est putride, c'est dysfonctionnel. Je m'encule. Tout seul? Avec mon doigt. Moite. Et moi, à une époque, par ma salive. C'est ce que je voulais. Froide. C'était bien. Je pouvais décider pour tout le monde de tout ce que tout le monde ferait. Et dans mon cul. J'étais dictatrice du monde entier. Partout des gens qui et meurent. Et même de tout l'univers, y compris de mon cerveau. Des gens qui meurent debout. Y compris des petites abeilles du jardin. De plus en plus. Je suis la solution du problème. Et également, il est posé, et on le demande. Des molécules. Mais c'est toujours la même chose. De la fabrication de la table. C'est pas comme si t'avais fait quelque chose. Dis-moi, du début, dis-moi. Toi, à la fin. De l'usinage. C'est pas comme si. Parce que t'as réveillé le démon. Le dessin. Parce que t'as réveillé le démon. Parce que t'as vu ce qui se passait à l'intérieur. Table, ensuite, parce que tu vois quelque chose. L'intérieur, c'est où? On a des opérations. C'est où? Faire des maquettes en 3D. C'est dans mon fion, l'intérieur. C'est dans mon fion. Ensuite, et c'est après, ça ce moment précis que le mec il me dit mais non c'était une blague enculé, qu'est-ce que t'es con. Moi je lui dis mais non c'est pas possible, ça va pas pouvoir se faire comme ça, il va falloir qu'on se bute maintenant. Réalisation. Alors maintenant donc, on va passer en réalisation, ce qui à la chose concrète. Concrètement, si tu veux une lame, prends une lame. Si tu veux me tuer, vas-y tue-moi. Mais si tu veux mon lait, le lait que je bois avec mes céréales, il va falloir me masser sur le corps. Car je suis accro à mes céréales. Crunch d'abord. Parce que le crunch d'abord, c'est d'abord le crunch et ensuite le reste. Non, d'abord il y a la vérification par les supérieurs, toujours. Ensuite on fait venir les peintres. Donc les peintres ils passent à la phase peinture de l'objet à l'échelle 1, c'est-à-dire à peu près à la taille réelle. Et ensuite après, une fois que les peintres ont fini leur travail de peinture, ils vont vérifier et c'est ensuite ça passe à l'emballage. Donc les incantations sont toujours débilitatoires. Les incantations sont toujours débilitatoires. Veillance à ne pas être l'action. Car l'action est avant tout une autre chose qu'un être vivant, quinconce que ce être-là. Et que ce n'est pas haine que je dis, mais je n'ai pas dit à moi non plus. Alors allons nous faire foutre. Allons nous faire foutre. C'est pas comme si c'était déjà fait avant. Prévu, je veux dire, à l'avance, tout ce qu'on avait déjà fait. Avant de l'avoir fait. C'est pas comme si. Et c'est pas comme si on pouvait pas faire une pause et qu'on ne pouvait pas un peu quand même reculer, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, même si avancer c'est bien, il faut quand même parfois faire des pauses pour pouvoir prendre un peu de recul sur le gâteau que vous êtes en train de faire, pour pouvoir savoir si peut-être il manque des ingrédients, ou peut-être il faudrait rajouter quelque chose, ou peut-être vous avez mis trop d'huile. Trop d'huile dans l'ingrédient par exemple. Parce que souvent on met dans l'ingrédient, on met un peu trop d'huile. Parce que les mecs et les meufs, ils croient que dans l'ingrédient ils croissent. Ils croissent à chaque fois. Comme ça ils croient. Ah mets de l'huile. Mais en fait il n'y avait pas besoin d'huile dans l'ingrédient. Parce que l'ingrédient c'était quoi? Dis-le moi. L'ingrédient, c'était un peu comme l'autre jour quand chez ta grand-mère tu as fait... Ma grand-mère. Oui, chez ta grand-mère. Ma grand-mère morte dans son cadavre, la pauvre purulente. Du chocolat. Pestilentiel con qu'on adore le fion. Et c'est toujours à ce moment-là que la pub revient blorer son dazon. Avec les doigts avant d'aller à l'école. Blorer son dazon à l'école, c'est comme branlir le fion. Ça se dit pas trop. Branlir le fion, ça se comprend pas trop non plus. Mais celui du professeur, là, on est bon. Là, on est bon. Le fion du professeur, là, on comprend tout. On comprend tout. Et quand on dit branlir le fion du professeur, tout le monde comprend ce que je dis. N'est-ce pas, maître ? Je voudrais mourir, comme ça ce serait fini. Ouais. I wish I was a killer and I killed everybody around. I wish everybody was dead. I wish Rachel would shut up. I wish my wine would fuck me up in the asshole the whole fucking time while jism and skirts will all fluff off. And in the sunlight, I see pussy and wipe and shit. Plenty of shit in the blood. In the blood that comes. Et je voudrais aussi parler des langues étrangères pour pouvoir dire n'importe quoi et faire comme si c'était intéressant. Jizom, sauve-moi, Jizom. Alors Jésus me dit. Trahison. Il me dit trahison. Et c'est à ce moment-là précis que Jésus me dit. Retournez-vous, le trou est noir. Et c'est à ce moment-là précis que Jésus me dit. Réveillez-vous, retournez-vous, le trou est noir. Jésus me dit, réveillez-vous, le trou est noir. Et moi, je comprends, le trou est blond. Le trou est blond. C'est un fion blond. Et c'est à ce moment-là précis que j'ai compris. Si le fion est blond, tout est brun dans le front. Non. Ainsi est fait, tout est fait. Je vous vois toujours. Tout est brun dans le flanc. Pourquoi? Parce que finalement, ce n'est pas à moi de le faire, c'est aux autres de le faire, car je ne suis pas bon. Je suis un mécréant médiocre, médiocre et purulent, pestilentiel. 1, 2, 3, 4, parce que je ne suis pas du tout, il ne faut pas que s'imaginer qu'on ne sait pas pourquoi on fait des choses pour pouvoir continuer de brouter dans le champ comme si les proies continuaient de croiser quand vous... par-dessus vos chapeaux. Je me vois, je suis mon si, mais c'est fait. C'est fait, oui, mais pas défait. Et vos jolis par-dessus, bien fermés, bien propres. Voilà, sans labeur, fragilière, anxieuse. Et la dernière fois, vous savez ce que c'était que la dernière fois? C'est pas comme s'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose là-dedans. Ah, mon Dieu, je fonds. Il est déjà 22h, tout est fini, c'est la fin. C'est la fin du bien, c'est la fin du mal, c'est la fin de tout ça, quoi. C'est l'heure de recommencer. À zéro. Alors bon, on va recommencer, hein, à zéro. Bon, voilà, alors là, j'ai relancé les machines. Bonsoir, on relance un peu les machines. Bonsoir, c'est les nuisances, voilà. L'émission qui nuit au sens. Nuit au sens, émission toutes les nuisances. Canal Sud 92.2 FM, Canal Sud.net. Canal Sud.net. 43 Alfred du Méril, 05 61 53 36 95. Tout est bon, tout va bien. On est là pour vous. Vous savez qu'il n'y a aucun problème. Dans l'émission Nuisance, tout s'encule. Vous savez, même après 22h. Et il n'est pas encore 22h, alors jamais on prononcera un mot pareil à l'antenne. Surtout nos radios libres en France. Parce que la France, allons en France. Surtout pas les radios associatives, parce que les associations, c'est quand même un des grands droits de la France. Touristique. Si t'habites au Népal, je suis pas sûr. Ah, je suis pas sûr qu'au Népal, ils aient Radio Canal Sat. Ils n'ont pas Canal Sat en Népal, mais ils ont Canal Sud. C'est sûr, parce que Canal Sud.net. Ah, bien joué. Ouais, Canal Sud est net. Canal Sud.net. Bon, ceci dit, à certains endroits de Toulouse, Canal Sud.net, ça marche pas, alors au Népal. Non, mais ça fionte Canal Sud.net. Là, il y a Canal Sud.net qui fionte, donc on va se dire bah, tout de suite, quoi. Hein. Dans deux, trois secondes, je lance un truc, genre n'importe quoi, j'en ai rien à foutre. Ok. Voilà, et n'oublions pas, hein. Sortez tes couverts. Ouais, c'est ça. Ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire en fait. Voilà. J'allais dire sortez couverts, figure-toi. La dernière question. Ah, tu 17-4-2010. 2010. I'd like to go through and even through it all, even though the mixture is bitter. Better than ça, everything ça dit, posted and transpirant le glacis. Le monde. Je vois la possibilité, l'entrevoyant même. Et nous que sommes je tous ne des acteurs. Viser. Dans ou hors de l'azur bleuté ou pas, définition se redéfinisse. Ainsi va la vie qu'à la fin de leur vie, les écorces tarissant des loges ne puisent le puissant odorifère sur un tonneau de lac posé sur une alternative. La puissance puissante dorée sur un plateau de fruits secs comme une cacahuète, et les autres ne peuvent toujours pas entrechoquer les moyens inaccessibles comme tergiversation grotesque, mais pas tout à fait. Même la possibilité émancipatoire n'est accessible que pas tout à fait. Faire le toujours, l'inciter ne désabsorbe pas. Et là, l'as du questionnement, la foire débarque sur un travers de tableau doré à l'or finement. Écaillé. La lame ne s'ébruite pas, mais pourtant la réassurance ne permet toujours pas ses hissements. Et la catégorisation, virgule, aboutit pleinement. Une recatégorisation. Voilà. La possibilité est retravaillée, voilà la route. Ainsi, les faits sont accompagnés de latence sur le terrain d'entente. De l'attente à maintenant, il y a des fois ou pas, nous retravaillons sur un sujet à rigoler. Nous, ce que l'on veut, c'est là que le mec qui me dit « Mais putain, mais ferme ta gueule, enculé !» Et moi, je dis « Mais j'en ai rien à foutre, t'es même pas là, bouffon, casse-toi, va à ton Shanghai ou ta boîte de merde dans un hangar pourri qui pue le moisi et bois ta bière, enculé, ferme ta gueule, moi, je fais ce que je veux. » Le hangar. Non, mais un lieu avec du moisi dans un coin. Et là, les mecs, ils sont en train de boire des bières et ils sont en train de piave à se par terre, à se vautrer dans leur boue. De boire des bières comme s'ils savaient pas que bientôt. Ils vont mourir. Ils n'auraient plus. Et que bientôt, ils allaient devoir aller en racheter. Et alors, bientôt la guerre. Si tu réfléchissais un peu plus souvent à la possibilité la que misère. Si tu consommes les choses, elles sont finies. Elles se consomment jusqu'à se consommer, jusqu'à ne plus exister. Et la misère après, noire. Il faut pour en avoir, si, pour se réapprovisionner, si faire déjà, quelque fou. Chose, pour en avoir de nouveau, pour pouvoir si tu veux comprendre quelque chose, pour qu'elle se consume et pour si pouvoir ensuite pouvoir chose. Manger des croquettes avec de la cendre. Fous le doigt dans le cul. Si on y pensait un peu plus souvent, si on tu veux comprendre quelque chose, fous le doigt dans le cul. Si tu veux comprendre quelque chose, parce qu'on n'a rien à comprendre, on n'a jamais rien compris, c'est toujours la même chose. Et à chaque fois que le mec il me disait oui, moi j'ai toujours dit mais qu'est-ce que tu me racontes, ferme ta gueule, enculé. Et le mec c'est un bouffon, tu sais ça. Le mec c'est un bouffon. Le mec. Tu sais ma fille. Le mec. Les hommes. Tu sais. C'est le des mec. Bouffons. Non. Le mec. Tu sais. C'est des bouffons. Tu sais. Tu sais le mec. L'homme. Le mec. Le mal. Le mec. Tu hein, sais. Le mal adjacent là. Ouais, hein, ouais, ma ouais, fille. Ouais. Tu es ma fille à papa. Hein. Tu es ma fille. Hein. Tu es. Hein. Je suis pas. Je. Hein. Tu, sais, tu le es mec, ma fille. Le mec. N'est-ce pas. Le mec. Bah, celui qui croit que je suis ta fille. Eh bien. Eh ben. Eh bien. Eh ben. Les autres font partie d'un ensemble. Eh ben, c'est vrai ce que je dis. C'est vrai. J'en ai rien à foutre de toi, ma pauvre fille. T'es même pas à moi. Médiocrité. T'es qu'une médiocrité. Ferme ma grande gueule. Vas-y avec une pelle. T'oseras jamais. T'es qu'une de merde. Vas-y, mets fin à mes jours, enculé. T'auras jamais mon héritage. Parce que c'est un suicide, connard. Tu t'es fait ouvrir le fion. T'es qu'un con. La vague anticipatoire réaction à un stimulus. Quoi ? Quoi ? Comme c'est dit. Quoi ? Ce se fait en diagonale, genre plusieurs de la gauche, de la droite, à la droite, à la gauche. Comment on peut rigoler de choses pareilles ? Mais faut être fou. L'observation. Faut être fou. Non mais l'autre jour j'ai vu quelqu'un qui a trouvé une lampe dans la rue et. Il y avait deux ampoules. Ah bah on m'appelle un numéro que je connais pas. Je peux répondre à l'antenne ou pas ? Ouais, carrément, tu y d'aller. Ça va être intéressant, je pense. Allô ? Allô ? Mais l'art ne s'oublie pas. Allô ? Il ne se tangle comme tanguit la figure. Monsieur, madame, mademoiselle, entre guillemets. Allez hop ! Allez boum ! Allez pim pam poum ! De chêne, malt, cerise ou pomme, qui emporte. Bien que les témoignages se croisent et s'assemblent, l'issue privilégiable, telle viciable, plutôt dévissable, vice ou vice, l'apport de l'ultime début ne conformise l'attente qu'à son rapport X sur Y de Z à A. Eh bien, les choses se portent mal. L'ordre des lettres dans l'ordre des mots, dans l'ordre des phrases, dans l'ordre, c'est un ordre divine esclavure. Les misérables discutaillances, comme taille de pierre, bien qu'il n'y ait pas besoin de traverser, il demeure un besoin ultime qui se fait sentir, celui des cils épilés, douleur de vivre. Where it is. Seems wasted down to the old bucket, proof stir of an old, here goes nothing. Where there is, there are always of all, so that's where it always beginning. Of an old ram, full of it, this is where it goes, nowhere but wherever. Of all there is, it is, c'est ainsi, c'est fait, c'est la chose, c'est ainsi fait, c'est la douleur. Pourquoi le faire? C'est ainsi dit, que les autres nulle part ailleurs, c'est ainsi que les choses. Olfactivement parlant, ça me sort par les trous de nez. D'être toujours emmerdé par la merditude des choses et de devoir me moucher sans savoir l'odeur des roses. Nuisance et silence. Visuellement parlant, j'ai des larmes de crocodile. De voir un trésor sans île et un jardin sans rose, une face sans côté pile pour qu'un bonheur s'y dépose. Nuisance et silence. Auditivement parlant. Qu'est-ce que tu dis ? Auditivement parlant, ça me casse les oreilles, le silence des abeilles. Parce que la reine sclérose ce qu'il reste de merveille dans le sucre de la rose. Et ça vient téter. Et ça vient téter. Et tactilement parlant, ça me gratte, comme la gale. Ceux qui font les piédestals pour qu'une statue morose, avec sa gloire bancale, oublie tout. Des gens qui osent. Oh, is. Oh, is. Les gens qui osent. Et en parlant, comme ça, personnellement, ça me donne mal au cœur. L'ennui qui passe des heures à répéter ses névroses, à les rejouer, c'est un théâtre. C'est le théâtre du poteau rose. L'ennui qui passe des heures à rejouer ses névroses, à refaire les tirades. À refaire les tirades. Où Cupidon tire plus à l'arc, à refaire les tirades. Mais les charades, c'est beaucoup mieux, ça fait des choses à deviner. Et y'a ton nez qui s'allonge à cause de tous les mensonges, mais en parlant personnellement, les sens, ça me donne mal au cœur. De voir l'ennui qui passe des heures à rejouer ses névroses. Il est là vautré dans un canapeur. Et y'a rien qui se propose. Y'a rien qui se propose. Mais il suffit de dire quelque chose, un truc. Un truc, un tic, un toc, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. L'horloge. Et le vent qui souffle. Et le temps qui passe. Et les orgues qui jouent leur bondieuserie. L'horloge qui passe. Et les orgues qui disent leur bondieuserie. C'est l'or qui se loge. C'est l'or qui se loge. Et au cadran de mes battements, boum, boum, boum, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ça fait du bruit, la nuisance. Mais qu'est-ce qui nuit à quoi? Ou qu'est-ce qui nuit à qui? Fait-il jour? Fait-il jour? Plaît-il? On dirait qu'une vache. On dirait qu'une vache. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, c'est Nuisance. Nuisance, l'émission qui est nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Depuis à peu près une heure maintenant, Nuisance s'évertue à ne rien vouloir dire, à ne rien signifier, à ne rien médire, à ne rien prédire. Et pour l'instant, c'est réussi. On n'a rien prédit, on n'a rien médit. On a dit que de la merde et c'est génial. C'est ça la liberté. Thank you. un sandwich. Un sandwich de l'arachide. Ouais, sandwich de cacahuète. C'est bon. Ah oui, c'est bon. C'est bon ça. C'est super bon. J'ai bien. Faire du bruit par hasard, ça craint pas faire de bruit sur terre. Faut rester tranquille, fermer sa gueule et manger et grossir. Faire du bruit sur terre, c'est comme nuire. Faut pas faire ça, ça se fait pas. Ça se fait pas de faire du mal aux gens, faire du mal aux gens exprès parce qu'on veut du fric, on veut plein de blé. Ça se fait pas. Pourtant, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'elle marche, ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça. C'est comme ça que ça marche comme ça. T'entends? C'est bon. C'est bon. salut, je voudrais vous présenter moi-même. Je suis qu'une merde. Ouais, c'est vrai, ouais. Et surtout, je voudrais m'enculer, quoi, devant vous, si vous voulez bien payer 50 balles par personne pour pouvoir m'enculer. Ouais, je sais, ouais, c'est cher. Ah ouais, ah ouais. Ah, c'est cher, ouais. Comment vous pouvez dire ça, monsieur, tu sais, alors que c'était pas cher 50 balles pour se faire enculer. Nous, ce qu'on voulait, c'est que vous chiez dessus, tu sais. Chiez-toi dessus, c'est ça qui est dit. Ouais, mais non, quoi, j'ai pas envie de me chier dessus, ça pue et tout, tu sais. Ouais, ben, tu sais ce qu'il te reste à faire, non? Thank you. sais même dire que j'ai fait une formation régie à la radio. Les gens ils perdent conscience, ils deviennent fous. Du frais, c'est plutôt chaud, avec ou sans sucre. Et vous, l'addition s'il vous plaît, ce sera tout. Ah oui quand même. Ça veut dire quelque chose ça. Et puis... Le pourboire, je ne sais pas. Ça veut dire quelque chose. Formidable. Et puis il y a moi. Ferme la porte. Reviens. Il y a moi qui regarde tout le monde. Mets ton manteau. Il revient à toi. Quelle chaleur. C'est terrible d'apprendre ça. Moi qui transpire des rayons de lumière. Je ne sais pas. Et alors? Et les autres qui hurlent, les pas hurlent bien, fort. Très bien, très bien. Il y a des gens qui transpirent et qui ont froid. Maintenant, ils ont froid. Mais ils ne sont plus que flaques. Après vous. Non, merci. Après vous. Ils perdent toute forme. Vraiment, je m'en ferai. La dernière fois. c'est à ce moment précis que là, là justement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Rien. Tchoum. Une clope qui flotte au vent. Au vent d'ouest apparemment. Et d'est aussi. Puis la nuit arrive. Quand arrive la nuit, on rote, on éructe, c'est comme ça. Bam! Aïe. C'est ça qui m'a fait le chier. Chier. Chier, j'ai travaillé. Tout est foutu. J'avais encore rien dit. J'avais tout nettoyé, tout j'avais était propre. Encore rien dit. Tout est très propre. Il a fait un combo, il a refait un retour sur la porte, c'est qu'il a le revers de la porte dans le couloir. De toute façon, on ne respecte plus rien ici, ça fait un moment, je le dis déjà, tout à l'heure, je l'ai dit, et ça continue. Et je le vois, moi, je garde les yeux ouverts. Mais il faut s'éloigner du micro, parce que sinon, le micro, il te mange les lèvres, et puis toi, tes lèvres, tu peux plus les bouger, et tu peux plus parler sans les lèvres, parce qu'après, t'as plus les lèvres, et sans les lèvres, tu peux pas parler, tu peux pas faire d'émission de radio, alors du coup, t'as plus les lèvres, et du coup, eh ben, tu fais des bruits avec ton nez. Et avec ton nez, c'est pas facile de s'exprimer, surtout pour faire les voyelles, parce que c'est difficile les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles, les voyelles. Moi, je vais dire, je vais décrire tout ce qu'on voit et tout ce qu'on n'entend pas. Comme ça, vous pourrez entendre ce que vous voyez pas, et comme ça, vous aurez une troisième dimension de la radio qui serait pas une la deuxième, mais la troisième, parce qu'on sauterait la deuxième. Comme ça, on passerait directement à la troisième, parce que comme ça, on n'aurait pas à attendre la deuxième. Comme ça, directement, vous gagnez du temps et tout le monde, il est content. Il est content de gagner du temps, le temps. Ouais, ouais, parce que le temps, c'est bien, hein, c'est cool. C'est génial, non? Ouais? Non? Non. Il y a des jours sans, hein. Avant l'accident, on essayait de rien. Ouais, mais... c'était quand? Il y a pas longtemps. Il y a encore du vin. Il y a encore plein de vin. Il y a du vin si vous voulez. Ouais. Il y a plein de vin, ils ont laissé plein de vin, ils sont fous. Moi je vais finir, j'en ai rien à foutre. Il y en a qui veulent le micro. Fais attention, les micros, ils mangent des lèvres. C'est un arrache-poil. C'est aussi un attends, écoute et regarde. Écoute et regarde. Dieu te parle. Et est-ce qu'on peut faire comme ça? Non, ça marche pas. Eh, hey, tu me prêtes ta canette? Non. Vas-y, je veux faire des expériences. On est là pour faire des expériences. Cool, prête-moi la canette. Tiens, je te prête mon vibromasseur. Mais fais attention avec, il est réglé sur la puissance maximum. Il est bloqué. Il y a encore les voisins qui font des travaux. Ils cassent leur mur. Ils veulent avoir un loft. Ouais. Mais tout ça parce que les enfants ils sont partis, ils sont allés faire des études ailleurs. Du coup ils veulent plus d'espace pour eux. Ils veulent rattraper le temps perdu. Ils se disent que 20 ans pour éduquer un enfant c'est beaucoup. Alors ils font les travaux. Ils changent tout. Ils changent même les poignées de porte. Ils disent comme ça. On n'aura pas l'impression d'habiter au même endroit, on n'aura pas l'impression d'avoir eu une longue vie chargée de routine. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon lit ? jaune, je bourgeonne. Je viens butiner la belle fleur que tu es. Devant il passe, claque fort. Il claque les volets, et les volets ils claquent fort aussi. Alors du coup ils ont décidé de faire des volets électriques qui claquent pas. Parce que de maintenant ils entendent le moteur qui est bloqué et qui tourne et les volets qui ne cessent d'embêter les gens. Mais les qu'est-ce voisins, que les vous voisins faites qui portent dans plainte. Mon lit. Et ils disent non, non, ce n'est pas notre faute, c'est l'installateur de volets. Il est vilain, il a bloqué le moteur sur deux. Et le moteur tourne encore et les volets n'arrêtent pas de monter, de descendre, de monter, de descendre, de descendre, de monter. Oui, dans cet ordre, il monte et il redescend. Mais des fois, il se bloque. Alors là, on peut dormir, on dort quelques minutes et on se sent comme un poisson dans l'eau. Mais sauf qu'on est, dans son lit et on se réveille et tout est humide. Les draps sont tout transpirés. Et oui, parce que les draps aussi sont transpirants. Et oui. Et les voisins se plaignent. Alors on monte à l'étage. On monte sur le toit et on regarde les nuages se dissiper à l'aube. La journée va bientôt commencer. On voit les petits jupons. Elle est décotée. La vue est agréable. Personne ne nous voit et nous, on voit tout le monde. Alors je me jette. Tu te jettes dans le décolleté ? Je me jette de l'étage. De l'étage au... J'attends. Au rez-de-chaussée. Jusqu'en bas. Et la paf, c'est le drame. Et la paf, c'est la brique. Et la paf, c'est le chien. Paf, le drame. C'est la brocante. Car pif, c'est le début chien. Du mois. Comme pif, tous les débuts du mois, la brocante. Pif, paf, pouf. Magie, magie. Ah ouais, c'est un bon son. Quand tu nous tiens. T'entends ? Bon, bah, il est bientôt 23h, bientôt la fin de l'émission Nuisance. Ouais ! Oh non, déjà ! Il est pas moins le cas. Ouais, presque. Presque bientôt. On en veut encore. On s'amusait si bien. Ouais. C'est vrai, qu'est-ce qu'on rigole. Qu'est-ce qu'on rigole. Non, mais sérieux. Allez, un dernier tour de manège. Ouais. Encore un. Faut rigoler. C'était une gastro-entérite. Voilà. Fulgurante. C'est pas mal, non? C'est vu de l'intérieur. Pas trop liquide. Papa, j'ai rétréci le sgeg. T'as vu mon sgeg ? Il a rétréci. C'est vraiment qu'il a rétréci. Il est énorme, j'ai un énorme sgeg. Il ne peut pas avoir rétréci. Ce sgeg-là, c'est le mien. Je l'aime comme mon sgeg. Il y en a beaucoup comme mon sgeg, mais mon sgeg est mon sgeg. Blablabla, blablabla, blablabla, blablabla. Blablabla. Bla. Bla bla bla bla. Ah, ça m'avait manqué tous ces sons. Mais c'est toujours la même. De Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net 92.2 FM, 92.2 MHz. Yeah. Ça sert de dire aux gens la fréquence de la radio, ça c'est juste légal en fait, faut le dire parce que c'est la loi, c'est tout. On s'en fout nous, mais c'est la loi, faut le dire. Tous les demi-heures, faut dire Canal Sud, 92.2 FM ou Canal Sud.net, téléphone 05 61 53 36 95, adresse le 43 Alfred Dumery, le 31400 Toulouse, France. Fête disco. Ouais. Nombreux, il y a un phare. Il y a un phare et deux micros. Ouais, dansez les gars, vous entendez la musique. Ouais. Des fourmis. Franchement, chasse. Oh. Les fourmis à l'orteil. Oh, dis-moi où. Les fourmis à l'orteil. Non. Le papillon dans le trou du cul. Canal Sud 92.2. Oh, tu vas pas le faire toi aussi, hein. J'en ai marre de tout ça. Canal Sud.net. Canal Sud au 05 61 53 36 95. La première radio rose du monde. Rose. La première fois qu'il y a une radio rose dans un monde rose, c'était ici, c'était maintenant, et c'est Canal Sud, la radio. Et le monde, il est bien rose, oui. C'est Toulouse. Toulouse. Vas-y, DJ. Vas-y, DJ, en ouais. Ouais. Mon cerveau de la pluie. Ouais. Vas-y. Ouais, vas-y. Oh, oh, oh. Ouais. Ouais. Ça va trop vite, ça va trop vite. On sait pas où placer ses pieds là. Ça danse trop fort. Ouais. Ouais. Laisse-moi kiffer la noise avec mes potes. Laisse-moi kiffer la noise avec mes troupes. T'es pas venu ici pour me faire moi un dessin. Ouais, ouais. Ben non, en fait, on en a rien à foutre. Ouais, gros. Ouais, c'est clair, ouais. On en a rien à foutre. Alors, qu'est-ce que tu fais? Rien à foutre. Tu veux voir? Alors, moi, je sais. Il faut absolument boire du vin. Ce pays est né alcoolique. Il mourra alcoolique. Ce pays mourra alcoolique. Alcoolique. Ce pays me rend alcoolique. Ouais. Bah, c'est vrai, non. C'est pas possible d'être autrement. Comment on peut faire différemment? C'est pas comme si. Ouais. Wow, c'est bruit. Arrête ça. Nokia Connected People. Arrête tout de suite. T'as pas une clope, s'il te plaît? Ah, l'alcool, c'est de la merde. Vaut mieux du tabac. Le tabac, c'est mieux. Ouais. Tous les gardes à la fermeture des portes. Toi. Si, mais elle en a plein. Non, une clope, on a pas mal. Moi, tu veux me prendre un moment? Ouais. Chut. On prend une. Merci. Merci. Ouais. Tu veux faire un jeu? Tu veux faire un jeu? Tu veux? Ouais. Quand je dis 1, 2, 3, parle, tu parles. Et quand je dis 1, 2, 3, parle plus, tu t'arrêtes de parler. Ah, j'ai fait tout à l'heure. Entre oui. Les deux, tu peux pas t'arrêter. Ah ouais? Ok. T'es prêt? Ouais, je sais pas. 1, 2, 3, parle. Oui, alors en fait, ce matin, je me suis levé sur le pied droit. Et alors du coup, j'avais une grosse érection. J'ai essayé de la cacher, je l'ai mis dans mon pantalon. Et je savais plus où était mon pantalon. Alors du coup, je me suis levé, j'ai cherché mon pantalon partout dans la pièce. Je l'ai trouvé sous le piano. Et sous le piano, j'ai glissé mes doigts. Mes doigts ont glissé entre la chaîne droite et la chaîne gauche de mon pantalon. Parce qu'il y a des chaînes sur mon pantalon. C'est super étroit. Et trois. Pas d'explication avant. Alors du coup, je monte, je me lève et je monte à l'escalier. Je monte l'escalier, je monte à l'étage. Et là, je retrouve mon t-shirt. Alors du coup, je mets mon t-shirt sur mon pénis en érection. Et là, j'arrive à mettre mon pantalon. Parce que sinon mon pantalon il ne passe pas parce qu'il a, il manquait la ceinture. Alors, du un, coup deux, j'ai trouvé trois, une ceinture. Parle plus. Un, deux, trois, tu parles. Puis après le soleil s'est levé et puis j'ai senti la chaleur des rayons du soleil caresser le gland de mon pénis. Parce un, que deux, mon trois, pénis il a un gland. Plus. Super chiant, c'est super chiant. soit Fifi, Calici, Uluifi, Chouchouki, Dehanach, Jussi, Or. Si, si, si le L, les si ou zéro, je sors teuf 18 bug, pour leur dire si mes lucubrations, je 0, 0, pour 0, si R, J, 0. C'est du quel d'hébergement, et si tu sais que je n'ai pas appris en du cible ou il, tant à dire du zé de futur ghetto du Helsinki, sud qui je y offre, tu je suis ici, bébé, si au bout dit je skin. Soit Fiji, quel ici, le wifi, je joue, et un âge, je suis. C'est tout, hein. Misérable ventru, ventrupède, ventru, enculé, ah, rock'n'roll, ah, rock'n'roll, ouais, rock'n'roll, ce qu'on veut c'est du rock'n'roll, bordel de merde, on a rien à foutre, on en a rien à foutre de rien, nous ce qu'on veut. C'est du rock'n'smolk, du rock'n'sprolk, du rock'n'sprolk, prolk. Ah non, moi je suis pas d'accord, moi je veux du rock'n'roll, tu vois. On a rien à foutre de ta gueule. Ce qu'on veut, c'est du rock'n'roll, nous. Allez, lâche-nous, va. Ferme ta grande gueule. Ouais, du rock'n'roll. Allez, rock'n'roll, ouais. Marche ensemble. Sur la haute, sur la haute, sur la haute, sur la haute. Ça, où ça, où ça, où ça. Ouais, ouais. Marche seul, marche seul. Ah non, pas du rock'n'roll schmorkle. Je ne veux pas. Yeah. Je suis poursuivi par les abrutis, les malaises, même dans les endroits les plus étonnants, il y en a encore, c'est extravagant, sont les inquisiteurs de la discussion. Il peut pas se tromper. Dans ce cas, dites-moi comment échanger. Je suis poursuivi par les abrutis. Le malaise aucun répit. Même dans les endroits les plus étonnants. C'est qu'il ne pas à pas pour te croiser, te mettre dans de beaux draps. À croire que ces gens-là ont besoin de se prouver, ça les fait vraiment jouir de pouvoir t'enfoncer. Je suis poursuivi par des abrutis. Je suis poursuivi par les amis. Thank you. Ça ira,